Chapitre 20e, le vampire. Cependant, le Fulminante était arrivé à Naples. Comme toujours, sous le nom de Madeio, il logea la pension suisse. Nul n'aurait soupçonné dans ce sculpteur hongrois le terrible bandit qui s'était taillé un royaume dans les montagnes de l'état de Naples. À première vue, comme l'avait si bien dit la Zinzinetta, Madeio le sculpteur n'attirait pas l'attention. En lui, rien d'extraordinaire. De petite taille, il se confondait facilement dans la foule, mais s'il était isolé, on remarquait l'harmonie de ses proportions, la finesse de ses mains, la petitesse de ses pieds et une souplesse incomparable de mouvement. Sa figure brune, anguleuse, maigre, eût paru sinon vulgaire, du moins peu faite pour attirer l'attention, si deux yeux immenses, deux grands yeux bleus, n'eussent semé la lumière, l'éclat, le resplendissement sur cette physionomie. Lorsque voilant son regard de sa paupière, le Fulminante était au repos, poursuivant un rêve intérieur ou s'abandonnant aux somnolences de la sieste, sa tête ne disait rien, mais quand il discutait, quand il s'animait, quand l'œil projetait ses éblouissantes clartés, chaque trait du visage prenait du caractère. Un brusque mouvement de la main jetait en arrière les boucles de cheveux noirs qui dissimulaient la hauteur et la majesté du front. Les lèvres éloquentes soulignaient chaque phrase, tantôt par la grâce du sourire, tantôt par un pli menaçant, parfois en marquant le dédain avec une puissance d'expression inouïe, d'autres fois en aiguisant les pointes de l'ironie par leur grimace sarcastique. On devine alors que l'on était en face d'une nature passionnée, élégante, raffinée, riche en facultés redoutables. Mais le Fulminante se dévoilait rarement. Jusqu'alors, jamais devant Fernande, il n'avait paru sous son vrai jour à sa valeur. Elle ne l'avait pas remarqué. Tout à Armand, inquiète de lui, ne regardant que lui, ne s'occupant que de lui, elle s'était fort peu arrêtée à considérer si Madeio ou Carlo étaient deux jolis garçons. Pour elle, ce qui n'était pas Armand ne méritait pas un regard. Mais M. Le Noël prit, Armand détenu dans cette grotte, seul, Fernand dut chercher des figures sympathiques, interroger les visages, se faire des amis. Tout d'abord, Carlo lui parut plein de pitié pour elle, et elle crut devoir le compter au nombre de ceux à qui elle pourrait demander conseil. Carlo se montra tout dévoué, mais il lui dit « Madeio n'est malheureusement pas ici. C'est un garçon qui a plus d'expérience que moi et qui vous conseillera avec bien plus d'autorité que moi. » Et il ajouta « Je lui télégraphie de venir. » Fernande remercia avec effusion. Ainsi Madeio se trouvait posé déjà dans l'esprit de Fernande. Il arriva enfin. Carlo vint demander à Fernande si elle voulait le recevoir et causer avec lui des mesures à prendre. Elle accepta. En lui, tout d'abord, aucun changement. Elle ne remarqua rien qui annonça l'homme supérieur, lorsqu'il la salua en s'excusant d'avoir tardé. « J'étais en tournée artistique, mademoiselle, dit-il. Je n'ai trouvé le télégramme de Carlo que ce matin et me voici à vos ordres. Je crois cependant devoir vous dire tout d'abord que, j'en ai la conviction profonde, Armand ne court aucun danger. Cependant, monsieur, il est prisonnier. Mademoiselle, le Fulminante fera vérifier la position pécuniaire d'Armand et tout se terminera par une question de rançon et d'argent. » Il fit de si beaux raisonnements que Fernande prit confiance. Confiance d'abord dans la délivrance de son fiancé, confiance ensuite dans Madeio. Elle subit peu à peu le charme de cette voix harmonieuse, la douceur du regard la frappa. Elle se crut en présence d'un homme bienveillant, dévoué, brave et fort. Tout cela était vrai, mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme l'aimait. Elle avait pour lui une amitié naissante et déjà beaucoup de reconnaissance. La baronne, de son côté, avait reçu des instructions. Elle manœuvra pour bien disposer Fernande. Et Laura avait recommandé à sa sœur de tout faire pour que Madeio fît des progrès dans le cœur de Fernande. Il fallait de cette façon l'empêcher de concevoir aucun soupçon. Le Fulminante, cependant, était inquiet de la santé de Fernande. Il la vit très pâle, en effet, et tous les indices de l'anémie s'accusaient en elle. Il y avait à Naples plusieurs médecins célèbres. Le Fulminante résolut de tenter d'obtenir de Fernande, par la baronne, que la jeune fille prît une consultation. La baronne sut l'y décider. « Il ne faut pas, lui avait-elle dit, que votre Armand vous trouve laide ou mourante en sortant de prison. » Les docteurs consultés déclarèrent qu'il y avait appauvrissement du sang. La pauvre Fernande fut mise au régime, alors que chaque nuit elle subissait l'horrible fascination du vampire. Tout remède était inutile. Le Fulminante, sous le nom de Madeo, se présenta ensuite au docteur comme ami de la famille pour savoir la vérité vraie que l'on ne dit jamais aux malades. Au point où en sont les choses, dirent unanimement les docteurs, cette jeune fille est menacée de devenir phtisique à courte échéance. Toutefois, un régime sévère et une médication énergique la sauveraient. Il n'y a pas de granulation, pas de tubercule dans les poumons. Le Fulminante prit bon espoir. Il fit habilement sa cour, ne perdant aucune occasion de plaire à Fernande. Jamais celle-ci ne l'avait encore vue dans la pleine explosion de sa force. Une scène fâcheuse, causée par un officier prussien en voyage, c'est-à-dire en mission, mit en lumière la valeur de Madeo aux yeux de Fernande. Le prussien avait toute l'arrogance des vainqueurs et il comptait sur l'amitié des Italiens présents. L'officier daubait donc sur la France en pleine table d'hôte et Fernande écoutait pâle d'indignation. Le Fulminante dit à Carlo très haut « Si cet officier était mieux élevé et s'il avait du tact, il se tairait. Il devrait s'apercevoir qu'il parle devant une Française et se montre peu poli. » L'officier s'aperçut en effet de l'attitude de Fernande. « J'ignorais, fit-il, que mademoiselle fût française. Si je l'avais su, je n'aurais rien dit. Mais vous, monsieur, ajouta-t-il, voudrez bien retirer ce que vos paroles ont de désobligeant ?»« Monsieur, dit Madeo, je ne retirerai pas un mot de ce que j'ai dit. Vous êtes donc français ?»« Non, monsieur. » Alors pourquoi défendez-vous une nation qui a bien mérité le sort qu'elle a subi? Elle nous a attaqués, nous nous sommes défendus et nous l'avons châtiée. Pas assez, dit en souriant amèrement le Fulminante. Pourquoi? Parce que la France vous rendra avant peu au centuple les défaites que vous lui avez infligées. Oh, dit l'officier, nous sommes un peuple de 40 millions d'âmes. Monsieur, dit-il à l'Allemand, la France est un grand pays, mais c'est surtout une grande nation. Elle a été écrasée, surprise dans une heure d'abandon et de fatigue morale. Vous étiez prêt, elle ne l'était pas. Il ne vous reste plus de votre gloire que la honte d'avoir volé les pendules, de vous être montré rapace au-delà de toute idée et d'avoir reculé devant une entrée effective à Paris. Ce que nous pouvons rendre, c'est l'effet produit par cette sortie du Fulminante. Il nous est impossible de reproduire ce jet d'éloquence tel qu'il fut lancé sur ce malencontreux Allemand. Le Fulminante foudroyait son adversaire sous le feu de son regard et de sa verve. L'officier prussien, cependant, n'était pas à l'âge. Il maintint ses prémices. « Monsieur, vous avez insulté mon pays. »« Et vous, monsieur, vous avez insulté la France. »« Alors, monsieur, vous me rendrez raison. »« Vous aussi, et tenez, c'est assez parlé. Continuons de dîner. » Il se fit un grand silence. Carlo remarqua que Fernande était très émue. Peu à peu, la conversation se rétablit et Fernande en profita pour dire à la baronne « Vont-ils donc se battre ?»« Je le crois, » dit celle-ci, « le duel est inévitable. »« Suis-je malheureuse ?» murmura la jeune fille. « C'est à cause de moi qu'aura lieu ce duel. »« Mais ce monsieur était insupportable, » dit la baronne. « Si votre frère Armand eût été ici, il eût jeté cet officier par la fenêtre à coup sûr. » Et quand, à la fin du repas, Fernande s'approchant de Madeo lui dit « Monsieur, vous auriez laissé vos amis arranger cette affaire sans vous battre. » Il répondit, « Mademoiselle, j'aime la France. Du reste, je fais ce qu'Armand ferait s'il était ici. » Mêler le nom d'Armand à cette affaire était habile. La baronne et Madeo semblaient s'être donné le mot dans certaines situations, tout indiqué d'avance. « Vais-je donc perdre tous ceux pour lesquels j'ai de l'amitié ?» murmura-t-elle. « Mademoiselle, dit Madeo, vous m'apporterez bonheur. J'en suis sûr. » Et en effet, le lendemain matin, dans l'enclos de Coulomerlo, il allongeait de coups d'épée à l'officier prussien, le premier au sein, assez léger. « C'est pour la France, » dit-il. Le coup ne fit qu'une blessure assez légère et l'officier voulut continuer le combat. La seconde blessure coucha le prussien sur le carreau. « Celui-là, pour la jeune fille que vous avez offensée, » dit Madeo. Et il laissa le prussien au manège chirurgien et aux soins de Coulomerlo. Il remint à Naples. Fernande, auprès de la baronne, l'attendait pour le remercier avec effusion. Ce jour-là, le Fulminante espéra. On peut prendre des villes, on peut être glorieux, puissant, habile et brave, et échouer auprès d'une jeune fille. Mais une jeune fille si pure, si vaillante, si fidèle qu'elle soit, peut succomber. La femme est fille d'Ève. Attaquez-la en face, faites tout au monde, offrez-lui toutes les séductions, elle résistera. Soyez habile, préparez une occasion, masquez votre but surtout, et vous triompherez. Après son duel, le Fulminante eut une entrevue avec la baronne. Il avait hâte de savoir quel effet sa conduite chevaleresque avait produit. « C'est très bien, lui dit la baronne toutefois. Si vous croyez avoir détruit le prestige d'Armand, l'avoir remplacé, vous vous trompez. Il faut attendre encore, attendre patiemment. Votre heure viendra. Les femmes sont esclaves des habitudes. Insinuez-vous. Vous avez raison, dit le Fulminante. À peine était-il sorti qu'un sourire se dessinant sur les lèvres de la baronne. « Tu ne seras jamais son mari. Elle va mourir. Elle est morte. » Et elle sonna trois coups. Le prétendu père de la baronne entra. « Il faut, lui dit-elle, activer les choses. Chaque nuit, on laissera le chevalier une minute de plus en tête-à-tête avec qui vous savez. »« Bien, dit-il froidement. Personne, n'est-ce pas, ne se doute de rien. Oh, personne. On ne voit aucune trace. Je varie les points d'attaque, tantôt un bras, tantôt l'autre. La piqûre ressemble à celle d'un moustique. Allez, et soyez prudent. » Pauvre Fernande, ses jours étaient comptés.